Mademoiselle Electra, amorcez la descente. Nous allons fêter Noël ensemble. Bien, capitaine. Le Noël de Nadia. Hajimete. Jingle bell sur le Nautilus. Y'a Nadia qui va bouffer de la salade, tandis que son ami Jean va bouffer de la dinde. Et que Gladys va préparer du poisson pas cru. Jingle bell sur le Nautilus. Le père Nemo s'est acheté une nouvelle casquette, alors que Electra lui a donné une écharpe que Titus lui avait donnée. Oui, c'est la fête dans le sous-marin. On peut dire que ce soir, Argon fera la trêve cette fois. Sur Atlantis, on fête Noël aussi. Marie joue à l'avion avec Attila, qui se compte contre les parois. On peut dire qu'on se marre bien là, au Noël de Nadia. Oui, c'est la fête dans le sous-marin, Caius qui se refringue. Y'aura pas de neige dans l'océan, mais on s'en tape, on est le 24 décembre. Nadia et Jean s'embrassent sous le gui, et le glatank aussi. Hein, quoi? On peut dire qu'on se marre bien là, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na, au Noël de Na. Au Noël de Nadia! Faites-moi taire, cet abruti. Tu m'as pas la fermer, Max, le fou. Tu me fais perdre mon sang-froid. C'est vrai qu'on s'entend plus à la fin.